orange, t'ai vu par un soir, tu étais vêtu de noir. J'imaginais alors ton piano dans la salle avec ses notes blanches. Göttingen, Nantes, en ton cœur était parti. Tu n'étais plus alors au cabaret la chanteuse qui chantait les putes joyeuses. L'aigle noir s'était envolé. Avec ses notes blanches.